C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centre Art, www.centreart.qc.ca. Il y a Québec Pop via le www.quebecpop.com ainsi que sur ma page Facebook de CanRock, CANROCK. Cette semaine, eh bien, un album quand même fort intéressant que je suis bien content d'avoir reçu. Un album folk, ça s'appelle tout simplement « Fille du vent, trois ailes ». Trois des plus belles voix de l'Acadie se sont réunies pour former les trois ailes. Isabelle Bugeaud, Nadine Hébert et Monique Poirier nous proposent « Fille du vent », un album généreux de 16 chansons quand même, majoritairement francophones, avec quelques belles reprises anglophones. Elle commence avec une des plus belles chansons de Daniel Légère qu'on va entendre dans quelques instants. Le dernier bateau de l'île d'entrée dresse la table pour un produit folk exceptionnel où orchestration majestueuse et performance vocale sont au rendez-vous. Il y a deux originaux sur cet opus. Je suis fine qu'on va entendre en fin de commentaire. Une petite mélodie charmante pour un texte rempli d'humour et d'amour. Et l'album se termine avec la belle ballade d'Isabelle Bugeaud et Jean-François Brault, De l'autre côté de la lune, superbe chanson que l'on retrouvait sur la compilation du même nom, sortie en 2012 déjà. Donc voilà, je vous donne quelques adresses, soit sur Facebook, vous faites 3L ou Trio 3L, et sur Plage, bien sûr, Plage avec un S.net pour vous procurer une copie de ce bel album, Fille du vent. Voici tout simplement les trois ailes avec une belle chanson de Daniel Légère. Il s'agit du dernier bateau de l'île d'entrée. Mon grand-grand-père a fait naufrage entre les falaises. Où est resté enfoncé sa croix irlandaise? Il a bâti maison à l'embouchure du Havre et a vu naître ce pays fait de pièces d'épave. Petit paradis perdu au beau milieu des eaux, Odyssée, Odyssée, au-delà, eau de vie, des légendes et des chants usés comme le bardeau. Enchante les touristes et amuse les petits. Je respire à plein poumon le vent du suroît qui glace les moissons et le souffle des chevaux. Je descends la montagne prendre le dernier bateau. C'est contre mon gré si l'hiver m'éloigne de l'île d'entrée. J'aille apprendre comment faire fortune. Elle m'assure que la vie brille au-delà de mon île. Mon père m'enseigne à lire les nuages et la lune. Il méprise le regard sombre des gens de la ville. Alors je reviendrai un jour au large de Terre-Neuve. J'achèterai le chalutier d'un vieux capitaine. Les filets sont toujours pleins dans le lit du fleuve. La tradition du père coulera dans mes veines. Je respire à plein poumon le vent du suroît qui glace les moissons et le souffle des chevaux. Je descends la montagne, prends le dernier bateau. C'est contre mon l'entrée. horizon et le souffle des chevaux. Je descends la montagne prendre le dernier bâton. C'est contre mon gré si l'hiver m'éloigne de l'île d'entrée. Je pourrais facilement vous parler des 16 plages de cet album. C'est vraiment un très bon disque, mais laissez-moi vous proposer quelques belles trouvailles. La bière au ciel de Jim Corcoran nous est servie dans une version plus swing que bluegrass. Trois ailes reprend aussi un classique de Richard Desjardins qu'on va entendre dans quelques instants. Tout simplement, le cœur est un oiseau qui est fort bien interprété en version piano-voix, assez puissant. Les trois chanteuses de ce trio acadien nous offrent également, de façon magistrale, un chef-d'œuvre acadien de Lenny Galland. Il s'agit de « Ouvrir les aboiteaux ». C'est fort réussi. Comme je vous disais, il y a quelques interprétations anglophones sur cet album-là, dont « Love is Rose » de Neil Young, il y a « Alléluia » de Leonard Cohen, mais selon moi, la meilleure, c'est tout simplement « The Way You Look Tonight » que l'on nous offre en version plus lounge que l'original de Frank Sinatra. Et je pourrais aussi mentionner « Morning Has Broken » de Cat Stevens. Voici les trois ailes, « Le cœur est un oiseau ». Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs. Ouvre tes ailes. Fille du vent. Vraiment un album très généreux venant de trois interprètes tout aussi généreuses qui forment les trois ailes et qui me font penser à Les Muses parce qu'ils étaient dans Les Muses, ces trois dames-là. Donc, un album que l'on écoute avant tout pour les orchestrations, très bien réussites, sur lesquelles se déposent trois des plus belles voix de l'Acadie. Fille du vent, c'est 16 bijoux très bien produits qui seront charmés les auditeurs de cet opus. Découvrez les trois interprètes exceptionnels via le www.facebook.com/trio3ailes ou encore distribution plage, www.plage.net. On va tout simplement y aller, si vous voulez bien, avec une dernière chanson originale composée par Monique Poirier, qui est une spécialiste de petites mélodies très humoristiques sur la vie. Voici Chufine, Les Trois Ailes. J'ai toujours un beau sourire, je suis douce et délicate. J'essaie de bien choisir mes mots. Je suis discrète et diplomate. Chufine, je suis gentille et je suis polie. Mais ce qu'on ne vous a peut-être jamais dit, c'est qu'une fois de temps en temps, quand je rencontre des vieux amis de mes années au secondaire, des avocats, des thérapeutes, des médecins, puis des fonctionnaires, ils sont gentils, ils sont ben fins. Oh, toi, tu joues de la musique, hein? Oh, des petites chansons, puis des spectacles. Oh, ça doit être le fun. Mais c'est quoi ta vraie job, Monique? Ou quand je vais faire mon épicerie, puis je suis en ligne, 2 euros proche, la femme devant moi a plein de coupons, elle les trouve pas dans sa sacoche. Je perds les nerfs, j'ai chaud, j'ai traite, je sens monter l'adrénaline, y a plein de mots méchants dans ma tête, mais je les dis pas parce que je suis dans une cabine d'essayage. Y a une robe qui me fait pas pantoute, elle est trop petite et trop serrée et beaucoup, beaucoup trop courte. Je sens pour me garder dans le miroir la vendeuse qui arrive en courant, le sourire fendu aux lèvres, elle me dit oh, ça te va comme un gant. Quand je vais prendre un petit café dans un resto avec mes amis, et la serveuse qui finit tout m'appelle cocotte ou ben honey. Ma cocotte pis mon honey sont dans mes armoires de cuisine. J'prends un grand souffle, j'dis rien pantoute, sauf merci parce que j'suis fine. Y'a une ouverture officielle et on me demande d'aller chanter. Y'a pas de budget pour les artistes, mais c'est de la bonne publicité. Y'a pas de plombier ou de dentiste qui accepterait des offres comme ça. J'veux juste le raccrocher au nez. Mais j'dis, ben oui, à quelle heure faut que j'sois là? Quand arrive le temps des vacances, j'aime les passer incognito, me balader sur de belles plages, en gogoune pis en maillot. J'croise des gens qui me reconnaissent, ils sont gentils, veulent une photo. J'fais un sourire pis j'dis bye bye pis là j'entends. Oh, j'ai hâte d'aller mettre ça sur mon Facebook. J'ai toujours un beau sourire, je suis douce et délicate. J'essaye de bien choisir mes mots. Je suis discrète et diplomate. Je suis fine, je suis gentille, je suis polie. Mais ce qu'on ne vous a peut-être jamais dit, c'est qu'une fois de temps en temps, j'suis pas si fine que ça, vraiment. Il était une fois commence bien l'histoire comme ça. Des dames en détresse attendant leur chevalier. En réalité, je ne vais jamais échanger ma voix pour ton cœur. Je garde ma dignité. Je parlais de bijoux tantôt, en voici un, Roi de Georgian Bay. Il faut aller voir le clip signé Jill Lefebvre. Vous allez sur ma page Facebook, le lien s'y retrouve. Vous cliquez là-dessus, c'est vraiment génial. Très, très beau clip, de belles images, de belles couleurs. Ça se passe dans la nature, c'est des enfants qui courent. Vous avez Georgian Bay qui chante au milieu d'un champ. C'est vraiment très, très bien fait. Bravo encore une autre fois à Jill Lefebvre. Bravo à Georgian Bay. Et cette pièce-là est tirée de l'album Courage, volume 1, Soleil. Le 26 octobre, si je ne me trompe pas, ça sera la sortie de l'album Courage, volume 2, Moon. Et il devrait sûrement avoir d'autres bonnes chansons francophones et bilingues sur cet album-là. À suivre, bien sûr. Ça a commencé notre bloc de l'Est Québec-Ontario. On poursuit ça avec la musique, tout simplement, de les Rat Swamp, qui, eux, ont lancé leur album il y a déjà 6 mois à peu près. Très bon album, Vivre en ville. On va entendre le nouvel extrait qui s'appelle tout simplement Monde de fou. Hein, est-ce qu'ils font référence à ce qu'on vit ces jours-ci? Je ne sais pas. Mais c'est très, très bon, vous allez voir. Par la suite, bien, on va entendre Sugar Crush, mais la version country de Je pars à pied. Très bonne chanson. On aime bien la version remix, plus dansable. Mais cette version-là, elle est quand même dansable, mais c'est version plus country. Je pars à pied, ça s'en vient. Et on va terminer la première partie du bloc de l'Est Québec-Ontario avec tout simplement une jeune auteure-compositrice-interprète que j'ai découvert. Et là, elle est rendue à l'école. Oui, déjà, elle écrit des chansons quand même assez intéressantes. Elle est à l'école de chansons de Granby pour apprendre davantage comment ça fonctionne, l'écriture de chansons. Qu'est-ce que ça va être lorsqu'elle va sortir? Ça risque d'être que du meilleur. Donc, on va entendre la pièce, Prendre le Nord de Marjolaine Maurras. C'est ce qui va terminer la première partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario. Mais là, juste avant, on les a connus avec le père Garneau, qui est un conteur. Mais ils ont sorti un album solo, sauf ainsi dire. Les Rats Swamp, comme je vous dis, l'album Vivre en ville, disponible à l'APCM sûrement, www.apcm.ca. L'album, ça fait peut-être 6 mois que c'est sorti, Vivre en ville. Et là, on nous propose un deuxième extrait que je trouve fort intéressant, très belle énergie, très rythmé, très captivant aussi. Donc, voici tout simplement Les Rats Swamp avec leur deuxième extrait de leur album Vivre en ville. Ça s'appelle tout simplement Monde de fous à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Quand le gain tombe dans les mains de quelqu'un qui a le bidon plein, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on sait tout, ça va brasser le bateau. Ou les bagos, c'est sûr, et achète tout le temps plus gros. Quand le temps égale l'argent en fourvoyant tous ses clients. Quel monde de fous! Quel monde de fous! La la la la la! Quel monde de fous! Et puis des fous, il y en a partout, on vit d'un monde, méfiez-vous! C'est en marchant dans la rue qu'on voit cette réalité crue, où il y a des gens fortunés qui sont même pas prêts à prêter. Puis l'autre part même par nulle part pour être heureux. Faut travailler, c'est le salaire ou la misère. C'est comme ça dans notre société. Quel monde de fous! Quel monde de fous! On n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on sait tout, ça va brasser le bateau. Nous on est bagos, c'est sûr, et achète tout le temps plus gros. Quand le temps égale l'argent en pourvoyant tous ses clients. Quel monde de fous! Quel monde de fous! La la la la la! Quel monde de fous! Et puis des fous, il y en a partout, on vit d'un monde de méfiez-vous. Et puis la terre tourne autour du gage. L'amour ne se trouve pas au sein des chers. Je t'allais voir, puis t'étais pas là. Qui paye le taxi? On n'a pas grand cash pour faire le tour à terre. On chantera Johnny Cash contre une caisse de bière. Thank you.